Dossier 1. Leçon 3. Activité 8. Il y a 6 mois, j'ai écouté un message sur mon portable. C'était une voix de femme qui me reprochait de ne plus lui donner de mes nouvelles. Mais je ne connaissais pas cette personne. C'était manifestement une erreur. J'ai donc appelé le numéro affiché pour prévenir la personne. On a commencé par rire de cette situation, et puis on a commencé à discuter. Au fil de la conversation, la curiosité a grandi, on s'est pris au jeu, et je lui ai proposé de nous rencontrer. On s'est donc vu le lendemain. Elle m'a tout de suite plu, et c'était réciproque. Depuis ce temps, nous ne pouvons plus nous passer l'un de l'autre.